الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toujours dans le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله une explication de Cheikh Al-Bassam رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait expliqué un certain nombre de hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, asri'u bil janaza, bada'na bi hadha, asri'u bil janaza, qui nous le récite. Tadala. تقدمونها إليه فإن تكن سوى ذلك فشر تدعونه عنكم. أحسنت بارك الله فيك. حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كي نو لو ريسيت إلي سامبل سيلا تفضل. أحسنت بارك الله فيك. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وطا تفضل. أي الحديث أبو موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس كي نو لو ريسيت مصطفى كي الوطا تواصل تواصل نعم تفضل. الصالقة الصالقة والحالقة والشاقة. نعم. حديث عبد الله بن مسعود كي دو بير افيك لو حديث دو ابو موسى تفضل. Le cours d'aujourd'hui sera assez court parce qu'on va, juste terminer le hadith de le kitab al-janais. يقول المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم. Le 163e hadith. Selon Aisha رضي الله عنها الجي. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم s'est plaint, c'est-à-dire de sa maladie, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est tombé malade, certaines de ses épouses ont raconté une église qu'elles ont vue lorsqu'elles étaient en Abyssinie, qui était appelée Maria. L'église était appelée Maria. Et Umm Salama et Umm Habiba étaient parties dans la terre d'Abyssinie. Donc elles ont fait partie de celles qui avaient participé à la première émigration des musulmans de la Mecque vers l'Abyssinie, avant qu'elles ne se marient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont cité la beauté de cette église et les représentations qui y figuraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors levé sa tête et a dit: ceux-là, parlant des chrétiens, lorsqu'un homme vertueux parmi eux mourait, il construisait sur sa tombe un lieu de prière. Puis, il faisait ses représentations. Dans ce lieu de prière, ils y représentaient ces représentations. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib ishtaka min ash-shakwa ay al-marad. Al-Kanisa muta'abbadu an-Nasara wa tujma'u 'ala kana'is. Thalithan shirarun jam'u shar wa hiya sifatun mushabbiha mithl bir. Les termes qui méritent explication, ishtaka ici qui vient de la shakwa, c'est-à-dire la maladie. Professeur Salam, lorsqu'il est tombé malade, la maladie qui a précédé sa mort. Al-Kanisa en arabe, c'est le lieu d'adoration des chrétiens. Naam? L'église, naam. L'église, c'est le lieu d'adoration des chrétiens. Et le pluriel en arabe est kana'is. Et shirarun, c'est le pluriel de char, de mal. Al-Ma'na al-Ijmali. Kanat Ummu Salama wa Ummu Habiba min al-Muhajirati ila ardi al-Habasha. قبل أن يتزوج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في مرضه الذي توفي فيه ذكرت له ما رأته من كنيسة في مهجرهما الأول وما فيها من حسن الزخرفة والتصاوير فلم يشغله مرضه عليه الصلاة والسلام عن أن يبين ما في عملهم في كنائسهم وفي موتاهم من المحاذير لذا رفع رأسه وقال إن هؤلاء الذين تذكران من كنائسهم وتصاويرهم كانوا يتعدون الحدود ويغلون في موتاهم فإذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور وبما أن عملهم هذا مناف للتوحيد الذي هو أوجب الواجبات وضرره لا يقتصر على من هم عليه بل يتعداهم إلى غيرهم من المغرورين الجاهلين فإن فاعليه شر الخلق عند الله تعالى. Le sens général du hadith. Umm Salama et Umm Habiba faisaient partie de celles qui ont émigré en terre d'Abyssinie, avant qu'elle ne se marie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, la maladie qui a précédé sa mort, ces deux épouses ont cité ce qu'elles ont vu dans une église lors de leur première émigration. Et elles ont cité la beauté des décors et les représentations. La maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas empêché à montrer ce qu'il y a dans ces églises et ce qu'il y a dans les défunts parmi les chrétiens comme chose qui mérite mise en garde. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa tête et a dit: ceux que vous avez cité, à savoir les églises et les représentations qui y sont présentes. Ces personnes ont dépassé les limites et ont abusé sur leur mort. Lorsqu'un homme vertueux parmi eux mourait, il construisait un lieu de prière sur sa tombe et y faisait figurer ses représentations. Et parce que cet acte est contraire au tawhid, qui est la plus obligatoire des obligations, et que le mal n'est pas concentré que chez ces personnes, mais est exposé également à ceux qui peuvent être influencés par eux, de par leur ignorance, eh bien, celui qui fait de telles choses fait partie des pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yukhadhu min al-hadith. أولا تحريم البناء على القبور أنه من التشبه بالمشركين ومن وسائل الشرك. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction de construire sur les tombes et que cela fait partie de la ressemblance aux polythéistes. Et cela est un moyen qui amène au shirk. ثانيا تحريم التصوير لذي الروح لا سيما لأهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفتنة. Deuxièmement, l'interdiction de représenter ce qui a une âme. D'autant plus si ces personnes sont des personnes vertueuses, car l'on peut redouter de leur représentation une tentation. Et vous connaissez tous la tentation du peuple de Nuh. Et comment est-ce que les divinités qui étaient adorées à l'époque de Nuh, alayhi salam, sont devenues divinités. Tout ceci à travers un processus et une ruse du diable qui a commencé par les représentations de ces personnes pieuses. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في دليل على تحريم مثل هذا الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في التشديد وهذا القول عندنا باطل قطعا وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله a dit pour prouver l'interdiction de faire ce genre de représentation, il dit et les preuves dans la religion sont nombreuses qui viennent interdire la représentation et les figures. Et c'est éloigné, autrement dit, de la vérité. Celui qui dit que l'interdiction ici, c'est en réalité détestable. Et que la condamnation était forte à cette époque, car les gens adoraient les statues peu de temps avant. Ils étaient encore dans ce contexte. Mais à cette époque, dans laquelle l'islam est propagé, dans laquelle les règles sont connues et sont présentes, l'on ne peut comparer ces deux cas de figure. Ainsi, on ne peut être dur à notre époque comme ils étaient durs à leur époque, autrement dit vis-à-vis des représentations. Et l'imam ibn Daqiq al-Eid dit « وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ قَطْعًا » Et cette parole est chez nous nulle de façon certaine. Et l'imam al-San'ani, rahimahullah, a appuyé cet avis de l'imam al-Daqiq al-Eid, rahimahullah. Wa qala al-Nawawi, tasviru al-hayawan min al-kabair. لأنه توعد عليه هذا الوعيد الشديد إلا أن الممنوع ما كان له ظل وما لا ظل له فلا بأس باتخاذه قال الصنعاني: وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك. وأيد ابن حجر القول بتحريم ما له ظل وما ليس له ظل أخذا بحديث أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها سورة إلا انتزعها. الإمام النووي رحمه الله dit: le fait de représenter des animaux fait partie des grands péchés. Car il y a une immense menace qui pèse sur lui. Sauf que l'interdiction concerne ce qui a une ombre. Ce qui n'a pas d'ombre, il n'y a pas de mal à en faire. Autrement dit, que c'est des représentations qui ont une ombre, c'est-à-dire quelque chose de solide, et non quelque chose d'écrit sur une feuille. Vous avez compris? Non, il y a le dessin et il y a la représentation physique. Par exemple, cette bouteille. S'il y avait le soleil, est-ce qu'elle aurait une ombre? Je dessine la bouteille sur la feuille. Est-ce qu'elle a une ombre? Donc certains savants disent, ce qui a une ombre, c'est-à-dire le fait de représenter une chose de façon solide, comme une statue, comme une représentation, une sculpture, etc., c'est ce qui est interdit. Mais si c'est sur une feuille, et que donc ça n'a pas d'ombre, dans ce cas, l'interdiction n'est pas prononcée dessus. L'imam al-San'ani, rahimahullah, a dit, « وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ » Et c'est un avis faux. Et on voit que les savants suivent l'adillah, suivent les preuves. Et ça, Inch'Allah, on fera un cours, une conférence sur ça entièrement, sur la divergence entre les savants. Car certains vont vous dire, à partir du moment où un savant a dit un avis, on se doit de respecter. Tu vois, tu as l'avis de ton savant, moi j'ai l'avis de mon savant, khlas. Tu me respectes, je te respecte. En islam, c'est pas comme ça. En islam, la preuve, c'est Al-Qur'an wa Sunnah. C'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la parole de tel savant ou tel savant. قَوْلُ الْعَالِمْ يُحْتَجُّ لَهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ. La parole du savant, l'on l'utilise pour appuyer une preuve. Le savant va t'expliquer un hadith. Le savant va t'expliquer un verset. Donc sa parole va venir appuyer et argumenter ou extraire ce que l'on doit comprendre de ce verset et de ce hadith. Mais en aucun cas, la parole du savant est une preuve. Le fait de dire tu as ton avis, j'ai mon avis, des savants qui ont ton avis, des savants qui ont le mien, stop, tu me respectes. En islam, on ne pense pas comme ça. Quelle est la preuve du savant qui dit telle parole? Est-ce qu'il a une preuve ou pas? Tu veux que je respecte ton avis alors que le mien est appuyé avec une preuve et le tien n'a aucune preuve qui le soutient? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre la religion? La réponse est non. Car si on comprend la religion comme ça, dans les sujets les plus dangereux, tu vas trouver des divergences chez les savants. Dans le riba, par exemple, tu vas trouver des divergences chez les savants. On va aller plus loin. Dans le fait d'avoir des rapports avec sa femme, sur l'endroit interdit, tu peux trouver des paroles inacceptables de savants. Si on suit ce raisonnement, comment est-ce qu'on va répondre à une personne qui dit « Moi, j'ai trouvé dans tel livre un savant qui dit que c'est autorisé. » Comment est-ce qu'on pourra lui répondre? Il dit « Non, le hadith, il est clair, il est authentique. Tu peux me ramener la parole de 10 000 savants, le hadith, il est là. » Et l'imam San'ani, en parlant de l'avis de l'imam Nawawi, il dit « Wa huwa madhhabun batil ». C'est un avis nul, qui ne doit pas être pris en compte. Et il cite la preuve juste après. فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت السورة فيه بلا ظل بغير شك. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est rentré et a vu ce rideau dans lequel il y avait des représentations, est-ce qu'il s'est énervé ou pas le prophète صلى الله عليه وسلم? Oui ou non? إحمر وجهه. Son visage s'est rougi. Alors que c'était dans un rideau. Et ce qui est représenté dans un rideau, est-ce qu'il a une ombre ou pas? Il n'a pas d'ombre. Pour cela que l'imam Salah dit, bighayri shak, que ce qui était représenté dans ce rideau n'avait pas d'ombre sans aucun doute. Et malgré cela, le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné que l'on en fasse des oreillers. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, également appuie la parole de l'interdiction des représentations, qu'elles aient une ombre ou pas, en prenant pour preuve le hadith rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous qui quitte la Mecque ne laisse pas une représentation sans qu'il ne l'enlève. Et ici, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yada'a fiha sura, c'est un terme qui est général et qui doit être pris dans sa généralité. Thalithan, inna man amila hadha fahuwa sharru khalqillahi ila ma fi amalihi min al-mahadhir al-kathira wal-awaqib al-wakhima wa ala ghayrihi. Troisièmement, que celui qui fait telle chose, qu'il fait partie des pires des créatures d'Allah Azza wa Jal, car il y a dans cet acte-là de nombreuses choses, de nombreux maux et des conséquences néfastes pour lui et pour autre que lui. Rabi'an, fihi kamal nushi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. إذ لم يصرفه عن الموعظة ما يقاسيه من الألم. Quatrièmement, qu'il y a dans ce hadith la preuve, ce que l'on retient, c'est le conseil entier du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de sa communauté et que rien ne l'empêchait de faire des exhortations, de faire des recommandations malgré la souffrance dont il était victime, sallallahu alayhi wa sallam, notamment lors de sa maladie qui a précédé sa mort. Al-hadith al-rabi'u wa sittoun ba'da al-mi'ah. An Aisha radiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi lam yaqum minh, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم. Le 164e hadith. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la maladie après laquelle il ne s'est plus levé. Autrement dit, celle qui a précédé sa mort. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la malédiction d'Allah soit sur le peuple juif et chrétien. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Aïcha radiallahu anha a dit, si ce n'était cela, l'accès à sa tombe aurait été autorisé au public. La ubriza qabruh. C'est-à-dire que cela aurait été laissé au public. Ghaira, sauf que l'on a craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Kanat Aisha radiyallahu anha hiya allati marradat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam maradahu alladhi tuwfiya fih wa hiya al-hadirah waqta qabdi ruhihi al-karim. فذكرت أنه في هذا المرض الذي لم يقم منه خشي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا يصلى عنده فتجر الحال إلى عبادته من دون الله فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من عملهم. ولذا علم الصحابة رضي الله عنهم مراده فجعلوه في داخل حجرة عائشة ولم ينقل عنهم ولا عن من بعدهم من السلف أنهم قصدوا قبره الشريف ليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عنده، حتى إذا تبدلت السنة بالبدعة وصارت الرحلة إلى القبور حفظ الله نبيه مما يكره أن يفعل عند قبره، فصانه بثلاثة حجب متينة لا يتسنى لأي مبتدع أن ينفذ خلالها. Le son général du hadith. Aïcha radiallahu anha était celle qui soignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la maladie qui a précédé sa mort. Et elle était présente lorsque l'âme bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ôtée. Elle a cité que dans cette maladie, après laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est plus levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait que sa tombe soit prise comme un lieu de prière, un lieu dans lequel on prierait, et que cette situation amènerait à ce qu'il soit adoré en dehors d'Allah. Il a alors dit que la malédiction d'Allah soit sur le peuple juif et chrétien. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ils mettaient en garde contre ce genre d'acte. Et c'est pour cela que les compagnons ont compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et il n'a pas été rapporté d'eux, ni de ceux qui les ont suivis parmi les salafs, qu'ils sont partis en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'y entrer pour y prier ou pour y invoquer. Et même lorsque la sunna a été remplacée par la bid'ah et que le voyage vers les tombes a existé, Allah azza wa jal a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il redoutait et de ce qu'il détestait, à savoir de faire ce genre de choses auprès de sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a protégé la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même après l'apparition de l'innovation et même après l'apparition des voyages qui sont faits pour aller visiter ou pour aller prier auprès d'une tombe. Allah Azza wa Jal a protégé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam par trois cloisons solides qui ne permettent à aucun innovateur de passer outre. Et ceci jusqu'à nos jours. Walillahi alhamd, aucun innovateur ne peut se rapprocher de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et espérer y faire une prière ou une invocation. ما يؤخذ من الحديث اولا النهي الاكيد والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد وقصد الصلاه عندها. قال الصنعاني رحمه الله ان ذلك ذريعه الى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح باركانه والنداء باسمه، وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوها وجعلوا لها نصيبا من أموالهم، كما قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. وذكر أنه وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل، فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، أي قبره وقبري صاحبيه. وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في القبلة المسجد أم غيرها. Premièrement, ce que nous retient du hadith, c'est l'interdiction appuyée et forte du fait de prendre les tombes comme des lieux de prière et le fait de se diriger vers les tombes pour y prier. Al-Imam al-Sam'ani, rahimahullah, a dit « Car cela est un moyen d'immensifier le mort et de tourner autour de sa tombe et d'essuyer les coins de sa tombe. Et le fait, et cela est un moyen également qui permettrait d'appeler le mort par son nom. Et ceci est une immense innovation qui s'est répandue sur terre. Les gens adorent les tombes et les immensifient en y construisant des monuments ou des mausolées. Et ils ont même rajouté des choses en plus de ce qui se faisait à l'époque anti-islamique, en y ajoutant des bougies et en donnant une partie de leurs biens. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, « وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ » Et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissaient pas. Tu donnes le bien qu'Allah t'a donné à une divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-San'ani rahimahullah a cité également qu'il y a beaucoup de hadiths qui prouvent que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun salaf n'a fait ce que l'on voit existant dans beaucoup de tombes malheureusement à travers les différents pays. Al-Imam Abu Daoud rapporte selon le Qasim ibn Muhammad qu'il est rentré chez Aïcha qui lui a montré trois tombes qui n'étaient pas surélevées et qui n'étaient pas collées, qui étaient bien distinctes. C'est-à-dire la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tombe de ses deux compagnons. Al-Imam San'ani rahimahullah a dit qu'il est interdit de mettre une tombe dans une mosquée ou de construire une mosquée sur une tombe, que la tombe soit en direction de la Qibla ou qu'elle ne soit pas en direction de la Qibla. Car certains vont vous dire, oui, effectivement, c'est interdit si la tombe est en direction de la Qibla. Mais si elle n'est pas en direction de la Qibla, eh bien, cela est autorisé. Et bien sûr, les preuves sont claires et nettes sur l'interdiction de construire une mosquée sur une tombe, que cette tombe soit en direction de la Qibla ou qu'elle soit à l'opposé de la Qibla, le jugement est le même. Thaniyan, inna hadha min fi'li al-yahud wan-nasara, faman fa'alahu faqad iqtafa atharahum wa taraka sunnata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. On retient ce hadith deuxièmement que ceci sont les actes du peuple juif et chrétien. Et que celui qui fait une telle chose aura alors suivi leurs traces et aura délaissé la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, inna salata inda al-qabri, sawa'un kanat bi masjidin ou bi ghayri masjidin min wasa'il al-shirk al-akbar. Troisièmement, la prière au pied d'une tombe, que ce soit dans une mosquée ou autre qu'une mosquée, fait partie des moyens qui amènent au grand polythéisme. Rabi'an, inna Allah ta'ala sana nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an an yu'mal ash-shirka 'indah fa'alhama ashabahu wa man ba'dahum an yasunuh. Quatrièmement, qu'Allah azza wa jal a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que l'on ne fasse pas à son égard sallallahu alayhi wa sallam du grand polythéisme. Et il a fait en sorte, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis ont protégé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'an, inna hadha min wasayahu al-akhirah allati a'addaha li akhir ayyamihi li tuhfaz. Cinquièmement, afwan, que ceci, ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, font partie de ses dernières recommandations qu'il a dirigées dans les derniers jours de sa vie afin qu'elles soient enregistrées. Afin qu'elles soient enregistrées et préservées. الحديث الخامس والستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين رواه البخاري ومسلم ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. Le 165e hadith, qui est le dernier hadith du chapitre des funérailles. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste à des funérailles jusqu'à prier dessus, c'est-à-dire sur le mort, alors à lui un qirat. Et celui qui assiste aux funérailles jusqu'à l'enterrement, à lui deux qirat. Ils ont dit, et qu'est-ce que deux qirat? Le professeur Hassan m'a dit, ils sont comparables à deux immenses montagnes. Rawah al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, le plus petit des qirat est comparable à la montagne de Uhud. Al-ma'na al-ijmali. Allah tabaraka wa ta'ala latifun bi'ibadihi wa yuridu an yuhayyi'a lahum asbab al-ghufran la siyama 'inda mufaraqatihim ad-dunya allati hiya darul 'amal ila darin yutwa fiha sijillu a'malihim wa lidha fa innahu hadda 'ala as-salati 'ala al-janazati wa shuhudaha wa 'ala wa shuhudiha li anna dhalika shafa'atan takunu sababan lir-rahmah فجعل لمن صلى عليها قيراطا من الثواب ولمن شهدها حتى تدفن قيراطا آخر وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى فلما خفي على الصحابة رضي الله عنهم مقداره قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفهامهم بأن كل قيراط مثل الجبل العظيم. Le sens général du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala est doux envers ses serviteurs. Et Allah azza wa jal fait en sorte que les causes du pardon soient présentes pour eux. Notamment lorsque ses serviteurs quittent cette vie d'ici-bas, qui est la vie dans laquelle, qui est la demeure des œuvres, vers la demeure dans laquelle le registre des œuvres est refermé. Pour cela que il a encouragé à prier sur les funérailles et à assister à celles-ci. Car il y a dans cela, dans le fait d'assister aux funérailles, une intercession qui peut être la cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla accorde à celui qui prie sur le défunt un qirat de récompense. Et celui qui assiste aux funérailles jusqu'à ce que le défunt soit enterré, un autre qirat. Et ceci revient à une immense récompense dont la quantité est connue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que cela n'était pas clair pour les compagnons radiyallahu anhum, la quantité n'était pas clair pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une image qui leur permettra de se rendre compte de l'immense récompense dont il est question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que chaque qirat est comparable à une immense montagne. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan al-fadl al-azim fi al-salati ala al-janazah. وتشييعها حتى تدفن وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل قال ابن المنذر إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, l'immense mérite de prier sur un défunt et de suivre son cortège funèbre jusqu'à ce qu'il soit enterré. Et la majorité des savants considèrent que la marche se fait devant le cortège. C'est ce qu'il y a de mieux. L'imam Ibn Mundhir a dit, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Abu Bakr et Omar marchaient devant le cortège funèbre. Thaniyan, innahu yahsulu lil musalli wal mushayyi hatta tudfan. Thawabun la ya'lamu qadrahu illa Allah ta'ala. Deuxièmement, que celui qui prie et celui qui suit le cortège jusqu'à l'enterrement du défunt a une récompense dont la quantité n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, inna fi s-salati 'ala al-mayyit wa tashyi'i janazatihi ihsana lil-mayyit wa ila al-musalli wal-mushayyi'. Troisièmement, qu'il y a dans la prière sur le mort et dans le fait de suivre son cortège, il y a dans cela une bienfaisance envers le mort, mais également envers le prieur et celui qui suit le cortège funèbre. Chacun y trouve son compte. Le défunt, il bénéficie des invocations et des intercessions des musulmans, et les musulmans bénéficient de la récompense immense dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا فضل الله على الميت حيث حض على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده. Quatrièmement, on retient de ce hadith le mérite et la bonté d'Allah Azza wa Jal envers le mort, car Allah Azza wa Jal encourage à ce que les gens soient nombreux à assister aux funérailles. Et Allah Azza wa Jal réserve une immense récompense de sa part à ceux qui répondent présents. Khamisan, inna nisbat al-thawab bi nisbat al-a'mal allati yaqumu biha al-'abd. Cinquièmement, on retient de ce hadith que la récompense est proportionnelle aux actes que fait le serviteur. Celui qui prie uniquement, il a un qirat. Celui qui prie et qui suit le cortège jusqu'à son enterrement en a deux. حيث إنه جعل للمصلي قراطا وللمصلي والمشيع قراطين. زيارة القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته. كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما زيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده أو الدعاء به أو طلب الحوائج منه أو طلبها من الله تعالى عند قبره أو الاستغاثة به ونحو ذلك، فهذا من البدع التي لم يفعل أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، بل قد نهى عن ذلك أئمة المسلمين الكبار. La visite des tombes. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, les visites sont de deux sortes. Il y a la visite légiférée et il y a la visite innovée. Quant à la visite légiférée, c'est celle qui est faite dans le but de passer le salam, de passer le salut aux morts et d'invoquer en sa faveur. Au même titre que la prière sur le mort. Lorsque l'on prie sur le mort, l'on invoque Allah Azza wa Jal en faveur du défunt. Comme cela est rapporté dans le Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons de dire, lorsqu'ils visitaient les tombes, Assalamu alaykum ahl al-diyar min al-muslimin wa al-mu'minin. Que le salut soit sur vous, ô vous les habitants de ces lieux, en parlant des cimetières, parmi les musulmans et les croyants. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqoun. Et nous, par la volonté d'Allah, nous vous rejoindrons. Et qu'Allah fasse miséricorde au premier parmi vous, ainsi qu'au dernier. Et nous demandons à Allah, pour nous et pour vous, d'être préservés. Ô Allah, ne nous prive pas de leur récompense, ne nous tente pas après eux, et pardonne-nous comme à eux. C'est cette invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim dans son sahih entre autres. Quant à la visite innovée, c'est comme le fait de se rendre dans la tombe de certains prophètes ou vertueux pour y prier là-bas, ou pour invoquer dans cet endroit, ou pour invoquer directement le mort, ou de leur demander des choses, ou bien de demander à Allah dans l'endroit de cette tombe, en allant dans cette tombe, de se rendre dans la tombe de ce prophète ou de ce vertueux pour y invoquer Allah, ou de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces lieux. Ceci fait partie des innovations qu'aucun parmi les compagnons et les tabi'in et ceux qui les ont suivis n'ont fait. Bien plus, les grands imams des musulmans ont mis en garde contre cela. واكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.